Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Switch your attitude. Go ahead, level up yourself. This that different latitude. Life too short, go spoil yourself. Feel that feel, enjoy yourself. Cause we have everything we need. Switch my attitude. I'm so radical. All these people mad at do. This for who it matter to. What if Eve made apple juice? You gon' do what Adam do? Or say, baby, let's put this back on the tree. Cause we have everything we need. Violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Bonsoir à tous, bienvenue dans les bons crus. Bonsoir. Salut, donc ce soir, duo inédit. On n'a jamais eu cette équipe. C'est avec grand plaisir que je partage l'émission avec toi, Simon. Ah ouais. Jérôme n'est pas là. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Alors, j'ai choisi de passer. On n'a pas dit déjà qu'on allait faire une petite récolte. Ouais. Une petite récolte avec les derniers sons qui sont sortis, un peu l'actualité du rap comme on fait chaque mois. On a choisi de faire ça parce que c'était un format qui était plutôt intéressant en l'absence de Jérôme et on fait plutôt les thématiques avec Jérôme. Kanye West qui a sorti son album, je crois c'est Jesus is King, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est évocateur. Hein, donc, Ouais, c'est cet album de gospel. Enfin, c'est un peu un truc de gospel avec des morceaux assez très très courts, j'ai trouvé. Enfin, il y en a certains qui sont un peu plus longs. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, d'autres un peu moins, mais on en parlait en antenne avec Simon. C'est plutôt, franchement, j'ai trouvé que, mis à part le côté, Jésus est le meilleur, Jésus est Dieu, machin, tout ça. Je parle musicalement parlant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est Kanye West, quoi. Il a vraiment une oreille musicale et je pense qu'il a un don pour ça, clairement. Hein, grave. Pour faire de la grande musique. Hein. C'est orchestral. J'ai trouvé vraiment pertinent et bien choisi. Ça ne dure que 30 minutes, donc ça s'écoute quand même vraiment rapidement. Mm-hmm. Les morceaux s'enchaînent sans vraiment, je trouve qu'il y ait de longueur. D'ailleurs, il y a quelques morceaux. Voilà le morceau qu'on a passé là, Everything We Need. Ouais, excusez-moi. Everything We Need. J'ai trouvé ça trop court. J'aurais aimé en avoir plus en fait, tu vois. Mais c'est un peu dans la veine de Ye au final. Il fait des trucs assez condensés, assez sur Ye aussi. Il n'y avait pas trop de longueur. Bon, il y a évidemment 7 titres, mais les titres en soi n'étaient pas super longs, quoi. Ce que j'ai vraiment aimé aussi dans cet album, c'est de retrouver le duo Clips réuni, du coup, puisque Malice. Le quoi ? Le duo de Clips. Réunis, tu sais, avec Pusha T et son frère. Ah oui. Et son frère qui était parti dans la religion et qui avait arrêté le rap et qui est revenu du coup pour un album avec Kanye West qui parle de Jésus. Il était obligé. Ah, il était obligé, mais franchement, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu rapper et j'étais bien, bien heureux de ce petit morceau. Non, franchement, mis à part, bon, croyant ou pas croyant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la redondance sur Jésus. Ouais, et les lyrics étaient vraiment pas très recherchés. Donc une pauvreté un petit peu d'écriture, mais par contre compensée par une orchestre, enfin que c'est très très bien orchestré, ouais, et très ça, très bien fait. En live, ça doit être exceptionnel. Exceptionnel. Je pense qu'en fait cet album, c'est bien de l'écouter comme ça, mais de le voir le Sunday Service là, ça doit être un truc de ouf. Je pense que Kanye West a prévu des trucs avec cet album. Il a prévu sans doute de faire des concerts à l'image de son album, et à l'image de Kanye West, hein, quoi. Ouais, et apparemment, il a déjà un autre projet dans le four qui va arriver avant Noël. Hein. Pour Noël, ah oui. Qui s'appelle quoi ? The Jesus is Born. Enfin, bref. Ok, incroyable. Bah, le jour de Noël, Jesus is Born. Voilà, ouais. Donc Kanye West, vous avez sûrement entendu parler. Hein. Donc moi, je vais enchaîner avec une petite sélection. Donc j'ai découvert un artiste récemment. Donc vous ne l'avez sans doute pas découvert récemment, vous, mais moi, je le prends dans la tête depuis quelques semaines, c'est Didi Trix. Alors, est-ce que tu connais Didi Trix ? Ouais, grave. J'avais écouté quand c'est Crab, un pote à moi qui m'avait fait écouter Didi Trix. Il m'a envoyé ça, il m'a dit putain, il est incroyable et tout. Ouais, mais dès le début, j'ai écouté, je suis tombé dedans, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chaud. J'ai vraiment aimé son album là. Ah ouais, Trix City. Ouais, j'ai trouvé ça oufissime. J'ai adoré, franchement. Alors, moi, je sais pas, j'ai eu sans doute un peu un préjugé. Je l'ai associé à plein d'autres rappeurs que j'aimais pas trop, et du coup, je l'ai pas trop écouté. Et là, je suis tombé en fait sur ce qu'il a fait. Il a fait un EP gratuit qui s'appelle Cartel de Bondy. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Et en gros, il rappe sur des instrus West Coast à l'ancienne. Ok. Et il a mis ça en EP gratuit parce qu'évidemment, il a pas les droits. Hein. Ouais. Et en fait, il est donc voilà, tout l'album, tous les 7 titres, je crois, il rappe sur du West Coast 90. Il se balade dessus et. À l'instar de Snoop, hein, je. Oui, oui, non. Mais... On fait des comparaisons Didi Trix Snoop, mais. Ouais, en tout cas, moi j'ai trouvé ça super chaud. C'est dans le. Il avait fait un titre comme ça sur son album, Trix City, là, qui s'appelle Chien de la Casse. Ouais, ouais. Qui était grave West Coast. Après, il avait fait aussi plein d'autres trucs, là, Roule encore un bédo. Celui-là était vraiment drôle, mais en fait, il est drôle ce mec, je trouve. Ouais, c'est ça, il a la banane. Il a... Après, quand je dis drôle, attention, hein, je dis pas qu'il fait du rap de comique, hein, c'est pas Fatal Bazooka. Hein, mais... Non, mais il a, on va dire que tu regardes ses clips, t'écoutes sa musique. Il te fout la banane. Il te fout la banane. Et ben, je vous propose qu'on écoute direct Didi Trix Money Cash. Il me faut du cash. J'suis dans la rue tous les jours, j'suis visqué le cash. Money cash, il me faut du cash là. Avec les chemises tous les jours, nous on fait des cash. Car ça s'enfume à la gush, à la puff. Pendant Claude nous dit les gars, t'es massé seuf. Mes gros lots, ça n'ont pas de cœur, ne font pas de fleurs. On peut t'enculer pour très peu si on n'est pas d'humeur. Et parle peu, ne fais pas d'erreur, c'est nous qui gérons dans le secteur. On fuck monsieur l'inspecteur, pour se ticher jusqu'à pas d'heure. On va foutre le spell tonight. On pense qu'on a à prendre et on trace. On fait ce qu'on a à faire et on fly. Money cash, il me faut du cash. J'suis dans la rue tous les jours, je vis ce qui le cash. Money cash, il me faut du cash. J'suis dans la rue tous les jours, je vis ce qui le cash. Money cash, il me faut du cash. Il me faut du cash. J'mets les gants, j'repars sur un plat. On fait les choses, on fait rentrer les tables. Appelle pour ta dose, on te ramène ta dope. Ni pour faire du sale, ou pour faire du son. Faut faire rentrer les housses de toutes les façons. Plus le temps de jouer, on est des grands garçons. Faut ramener des billets verts à la maison. Maman avait raison, les gens changent un peu comme les saisons. On va foutre le spell tonight. On gère les balles. On pense qu'on a à prendre et on trace. On vit ce qu'on a à faire et on fly. Money cash, il me faut du cash. J'suis dans la rue tous les jours, je vis ce qui le cache. Money cash, il me faut du cash. J'suis dans la rue tous les jours, je vis ce qui le cache. Money cash, il me faut du cash. Money cash, il me faut du cash. Zaki. Zaki. Gotham. The Fort. Ouais. Yeah. Batman. On revient mettre de l'or dans la nuit. Batman. Wow. Pas trop de potes mais plus d'alibi. Batman. Ouais. J'ai vêtu de noir comme nos vies. Batman. Chou. Batman. Bruce Wayne. Batman. You know. Batman. You know. Batman. That's a warrior. Batman. Wow. Batman. Gotham. Batman. That's a. Batman. That's a. Yeah. Alfred, Alfred, celle qui me reste, 9M, comme Alfred. On fait sourire du jog, c'était secret au bloc. Chez nous on fuck les cops, tu connais la suite mon pote. Comme Bruce Wayne, mon cœur est noir. La cagoule a fumé, confiance devant moi. Vas-y dis-leur qu'ils viennent, mes yeux sous buvette. J'ai l'ange à jouer avec, par balle protège pas tête. Hey, Batman, on revient mettre de l'or tard la nuit. Batman, wow. Pas trop de potes mais plus d'alibi. Batman, ouais. J'ai vêtu de noir comme nos vies. Batman, chou. Batman, wow. Batman, that's a warrior. Batman, you know. Batman, that's a warrior. Batman, wow. Batman, Gotham. Batman, that's a Batman. Yeah. Pain coin, pain coin. Un big boss, big boss. En bas de l'échelle, bas de l'échelle. J'ai pris des forces. Merci l'implication, choisis mon équipe son. Pas de duplication, mais juste entends les ondes. Ton Falcon, imprévisible. Un Victor, contrat sur un type. Les gym gardent de nous suivre. Pas de trace, tout sera clean. C'est les yeux pour les intimes, un peu comme Fichery. Batman, on revient mettre de l'or tard la nuit. Batman, pas trop de potes, mais plus d'alibi. Batman, ouais. J'ai vêtu de noir comme nos vies. Batman. Trop de potes mais plus d'alibi. Batman, you know. On revient Batman. Mettre de l'or dans la you know. Nuit. Batman, that's a warrior. Trop de potes mais plus d'alibi. Batman, Gotham. C'est vêtu de noir comme nos vies. Batman, yeah. Batman, Batman, vie noire. Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman, Batman. Et nous venons d'écouter Icas Boy. Donc là, on est avec The Four, le membre de 13 Block. Yeah. Donc Icas Boy, un producteur là, qui vient de sortir Brutal 2. En fait, il avait déjà sorti Brutal l'an dernier. Donc c'est un album, en fait, j'allais dire une compile, mais c'est un album. Où donc il a la production, bien sûr, sur tous les titres. Et il invite un panel de rappeurs intéressants, disons. L'an dernier, c'était déjà pas mal. Là, du coup, ouais, Brutal 2, il y a encore des beaux invités dessus. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il a, bon, il a invité Damso, et c'est clairement pas le meilleur son du projet. Mais vu que c'est Damso, il l'a un peu poussé, et c'est ce son-là qui est ressorti. Je sais pas si on peut parler de single, parce que il l'a pas poussé en radio et tout, mais bon, je suis clairement pas fan. Donc là, on est sur un son avec The Four de 13 Block, et d'ailleurs, tous les sons avec les membres de 13 Block sont plutôt réussis et sont parmi les meilleurs de l'album. Pareil, un titre avec 404B que j'aime bien. Avec Chubby, voilà. Donc très bon album. Il les amène tous un peu, disons, dans une zone de confort. Mais bon, il a pas fait des prods non plus clichés pour eux. On sent qu'il les met à l'aise avec ses prods. Mais ça reste un ensemble cohérent et très agréable à écouter. Voilà, pas mal écouté du coup ces derniers temps. Donc on va enchaîner avec toi, Julien, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné? J'ai sélectionné un morceau du collectif de 2 Chainz, True. Tu sais, il fait que le dire à chaque fois là, True, True, 2 Chainz. Ouais. Voilà. Donc le morceau, il s'appelle Shout It Out. Et c'est donc 2 Chainz, Sleepy Rose, Whirl et Hot Lockin'. Voilà. Et bon, c'est juste un single. Je sais pas si ça annonce un projet ou quoi que ce soit, mais c'est enfin, il l'a classé dans un single, donc je pense qu'ils vont faire peut-être un projet True, je suppose. Ok. C'est qui l'a sorti sur les plateformes? Il est sous 2 Chainz. Ouais. Parce qu'il, c'est sous l'étiquette True. Ok. Donc je pense qu'ils vont faire en fait une compile True ou un truc comme ça, comme pouvait faire Dipset, tu vois, avec Diplomats, okay. Machin et tout ça. Donc on va écouter ça. Et puis après, on va écouter Gucci Mane, mais on en parlera juste après les deux morceaux. Ouais. better shoot it out, nigga. I'm this bitch, we can shoot it out, nigga. Automatic stick, better shoot it out, nigga. I'm this bitch, we can shoot it out, nigga. Automatic rifle, better shoot it out, nigga. I'm this bitch, we can shoot it out, nigga. Shoot it out, gun down, walk them out, run them out, dig it down, kick it out, bankroll, large amounts, all them up, bust down, stendo, sticking that, condo, trap it out, old school, back it out. Stick, air it out, give it up, you don't wear it out. Break the bitch down, gotta wear out. Glock don't jam me, wear that. Glock never jam, block never fold. Nigga never told, stay ten toes. Nigga getting exposed, capping for these hoes. Nigga know the game. Tony, throwing with a triple bin, you born with a silver spoon. I seen your little drip, kitty poo, field guard, tennis shoes, all in my living room. Yeah, kicking shit like Liverpool. Told my partner daddy gotta get a job. Shot a war block to his interview. You listen to a different individual. Block been hot since middle school. About to hit a lick, envelope. Yeah, going down, ski slope. What's around my neck? Ski slope. What's in my pocket? Meatloaf. Yeah, about to blow it up, C4. American dream, kilo. Trying to get a brick shack free throw. Walking out of the jungle in a motherfucking meat coat. Automatic rifle, we can shoot at, nigga. I'm this bitch, we can shoot at, nigga. Automatic stick, better shoot at, nigga. I'm this bitch, we can shoot at, nigga. Automatic stick, better shoot it at, nigga. I'm this bitch, we can shoot it at, nigga. Automatic rifle, better shoot it at, nigga. I'm this bitch, we can shoot it at, nigga. Shoot it at. Gun down, walk them out, run them out, dig it down, kick out, bankroll, large amounts, all them up, bust down, stendo, stick it out, condo, trap it out, old school, back it out. Born in the crack house, chopping out your back out. I see you want attention, chase clout, YSL tennis shoes all in my whole house. I've been drinking lean, pull the foes out. Glock in my coat when it cold out. Dime VV, what you know about? I used to be kicking in those. Shoot out with niggas, might take your whole hope out. Playing with the sticks, Harry Potter. Celsius is two in my chopper. I really do kick it with sharks. 4-4 revolver, hot lights on love. Daddy on me, what you don't know. I got niggas outside of your front, though. Baby Joker look quite pull a kid, though. Then they coming straight out of the back, though. New trap spot on the flat, nigga. Hot box on the neck, nigga. Last nigga went down the back street. Heard his ass got whack, nigga. Went on the block, found a cheat code. Fuck the weatherman, went bought a meat coat. Fuck the weatherman, went bought a meat coat. They said hot though in beast mode. Automatic rifle, we can shoot at, nigga. I'm this bitch, we can shoot at, nigga. Automatic stick, better shoot at, nigga. I'm this bitch, we can shoot at, nigga. Automatic stick, better shoot it at, nigga. I'm this bitch, we can shoot it at, nigga. Automatic rifle, better shoot it at, nigga. I'm this bitch, we can shoot it at, nigga. Shoot it at, gun down, walk them down, run them out, dig it down, kick out, bankroll, large amounts, all them up, bust down, stendo, stick it at, condo, trap it at, old school, back it at. He think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Gucci is a murderer, he got dead bodies. Certified, he cook way better than everybody. He traumatized, he done seen too many dead bodies. I ain't loving, cause these bitches fucking everybody. I drop my top, I do the dash, I'm stunning on everybody. Drive the McLaren, I'm bending corners. I ride through the six with that burner on her. I'ma get that little bitch in as if I want her. I'ma nut in that hole like a sperm donor. Selling drugs, got the feds on her. Brand new XD with a beam on it. I'm lacing my blend with that lean on it. Sipping dirty, it's clean, then I don't want it. My pocket filled with them dead bodies. Young boy think he richer than everybody. Nigga play with my shit, I'ma red dot him. That nigga start stitching, the feds got him. Got an 8 of that egg in the baby bottom. Got a 100-round clip on a wooden chopper. He got him a brick and he started wildin'. He say he cook better than everybody. I'ma stay with a stick cause I know they watch. I'm dropping a bag on everybody. Got a bitch from the 8 with a wide bag. I think that she fucking on everybody. To the day that I die, I'ma take no cash. Bitch, I'm catching a cell on a palm pilot. Got these diamonds all over my fucking bag. Think he fucking with me, I'ma see about it. One freak, he think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. bitches a murderer, he got dead bodies. Certified, he cook way better than everybody. He traumatized, he done seen too many dead bodies. I ain't loving, cause these bitches fucking everybody. I drop my top, I do the dash, I'm stunning on everybody. I'm from his zone 6, so I seen a lot of dead bodies. They drained Brooklyn and they brought out all them dead bodies. I got so rich, them haters got a lot to say about it. These boys so broke, they need to go to church and pray about it. I bring that dope to Birmingham and called it Gucci County. They put some money on my head, but they couldn't make the bounty. I was so fucking underground, don't even know how they found me. Feel like Obama when I move, cause I keep soldiers around me. I'm not in the NBA, but I be ballin' on bitches. Gotta carry credit, cause my cash too big for my britches. Yeah, I came up out the trenches, I don't fuck with no snitches. Niggas stay trippin' till some of they friends come up missin'. Wow. You ain't never put out on a nigga, the little nigga shut up. I just rocked the sold out show, I perform for an hour and then put my gun up. If a little nigga try me and send out the gun down, that nigga won't let us see sun up. Fuck your bitch and I tip her 100. I show you how to motherfucking come up. If you add up my watch and my wrist and my fist before taxes, I spent the whole 100. You can go and ask Johnny, he love it. Every time he see me, he see money. I put up BET with my kids and my baby mama. They like, ooh, he be thugging. No, I'm just a real nigga with money. I keep one in the head of that bitch like a bun. Too rich, so I just had to switch in my numb. You playing, it's gonna be a murder like YB. I draw down, you see blood like it's YG. I done taught every nigga to try me. Some people compare me to Gucci. I drop some new music and call me a body. And I don't like hanging with bitch-ass niggas. You gotta be a dog to sit beside me. My boy got one for Key, thank you richer than everybody. My dog got two Breezy, thank you richer than everybody. That nigga got four Breezy, thank you richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Gucci's a murderer, he got dead bodies. Certified, he cook way better than everybody. He traumatized, he done seen too many dead bodies. I ain't loving, cause these bitches fucking everybody. I drop my top, I do the dash, I'm stunning on everybody. Vous êtes bien de retour dans les bons crus. On est toujours sur notre petite sélection de la récolte. Ouais, tout se passe bien. Ouais, on est bien, on s'ambiance. On a écouté donc Gucci Mane avec son album Woptober 2, puisqu'il y avait eu un premier volet qui était d'ailleurs très réussi et j'avais pas mal d'attentes sur ce deuxième volet. Je trouve qu'il est au niveau, je trouve qu'il est en pleine bourre. Il a, en plus, il y a des photos qu'il avait fait avec, pour la campagne Gucci, puisqu'il est enfin Gucci Mane a une collaboration c'est avec Gucci. Ouais. Il n'en avait jamais eu avant. Jamais. Putain, il a quand même mis, le nom de la marque dans son nom d'artiste. Quoi. Ben ouais, et ben écoute, maintenant, il y a une collaboration Gucci. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, parce que je suis pas au courant de ces trucs-là, parce que j'ai pas l'argent pour me le payer. Mais Gucci Mane fait une collaboration avec Gucci. Ah ouais, c'est bien pour lui. Ben ouais, ça tue. Franchement, non, mais il le mérite. Un peu de considération. Il mérite, rends compte la pub qu'il aura fait. Ouais, mais à mon avis, il devait. Enfin, Gucci n'avait pas envie de. Que Gucci Mane représente la marque. Je sais pas trop. Ouais, mais avant, il avait peut-être pas cette image de. Il a peut-être pas eu tout de suite cette image de légende, de ouais, la trappe. Ouais, de... j'avoue. Maintenant, c'est vrai qu'il a le statut, et puis maintenant, il est beau. Donc, du coup, ça passe mieux il quand est même. Beau, pour la pub. Il est un peu plus sage qu'avant. Bah, il est moins, il est plus drôle, il a arrêté la drogue. Donc, du coup, voilà. Je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, quand tu vois Gucci Mane, le gros ventre énorme. Et la tout... glace tatouée sur la joue. Ouais, et mais tout, même ouais. Tout, il a encore la glace, mais oui. tout défoncé qui dit n'importe quoi. Genre, j'avoue que ça donne pas envie d'investir un centime sur lui au niveau de la commercialisation, enfin de la pub, quoi. Maintenant, j'avoue qu'il est un peu plus bankable, je pense. Et du coup, entre ces deux derniers albums, lequel. Moi, j'ai écouté le dernier. Et celui d'avant, je l'avais pas écouté. Du ok. Coup, tu me mais conseilles quoi? Franchement, Woptober 1, je trouve qu'il est au-dessus de Woptober 2, même si le 2 est plus actuel que le 1. Okay. Mais franchement, je pense que j'avais pris une grosse claque quand Woptober 1 était sorti. Mais le 2 est vraiment digeste, aucun problème là-dessus. Les tracks s'enchaînent bien, ça reste du Gucci. Si t'écoutes les paroles, il te fait toujours aussi rire et toujours aussi fou. Mais non, franchement. Hyper bon album, j'étais vraiment ravi. Ok, bon là tu nous as un petit peu, tu nous as mis des bangers, tu nous as mis des trucs énergiques et un petit peu vénères. Moi je vais direct redescendre le tempo, parce que je vais parler de Frank Ocean. Ouais, mais c'est autre chose, c'est bien aussi. C'est autre chose, donc là Frank Ocean il est revenu, Donc ça c'est son dernier album date de fin 2016. Si je ne m'abuse, il a sorti quelques sons par-ci par-là. Oh, mais c'était longtemps, ouais, il se fait toujours très rare, très il se fait un peu désirer. Et donc là, il a sorti deux singles qui annoncent sûrement un album, dont le premier qui s'appelle DHL comme le livreur. Hein. Ouais. Et donc Frank Ocean, là, il revient un petit peu sur le devant. Il a ouvert un club à New York. Il a sorti donc ses deux singles. Et il commence vraiment à reparler. Il a fait une ou deux interviews, alors qu'il se fait déjà toujours très rare, en disant voilà de quelles influences il allait dans quelles influences il allait puiser en fait pour son album. Et donc moi ça m'a un petit peu intrigué. Il a dit qu'il allait beaucoup s'inspirer de la house et de la techno de Chicago et de Détroit. Donc je suis assez curieux d'entendre ce que ça peut donner sur avec un artiste comme Frank Ocean. Je suis un grand fan, mais ça dépend quel techno de Détroit, parce que s'il fait de la booty bass, c'est incroyable. Ah, c'est alors je connais pas la booty bass. Bah, c'est un style de musique de Détroit. Enfin, ils ont pas que ça, mais enfin, ils en ont fait un peu. Mais à Détroit, il y a grave de musique techno, par contre, pour le coup. Bah, la techno en soi est née à Détroit, et là, je crois qu'il parlait lui de justement un petit peu de cette. La house, tu penses? La house, c'est Chicago plutôt, et la Chicago, techno Détroit, mais oui, les deux. Un mix entre les deux. Exactement. Donc, je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner avec un artiste comme Frank Ocean, parce que qu'on l'aime ou pas, c'est quand même un bon musicien, un artiste assez complet. Donc voilà, hâte d'entendre ce futur album de Frank Ocean. Donc on va s'écouter DHL. Look at them shakes, made up a dance. How come you shook? And I ain't took out my hands. Beans, star, bucks, star, struck. Bitch coming soon. That's cause you suck. That's coming soon. Suck my dick. Find on the keys, look at the couch, sauce. Put in the Amazon. Shit like 6'5. Shit like 6'5. Take that rewind, now rewind. Ooh, ooh, baby be mine. Ooh, ooh, baby be mine. Got a pack, came from the DHL, chill. Just got up with a pack. Got out a pack, came from the DHL, chill. Just got up like a bell. Got out a pack. Roman numerals, niggas born up Ivy Leagues, oh. hoes leave, now my fucking flow slow. Screw me slow, yes. Ooh, he TSNCC, rolling. You see my bag is swollen, with more, I can't even fold it. I drop you a pen like I'm bowling in the morning, so now you're running. Breakfast and dinner just blending. We spent all that time alone, alone, watching the clouds. Got a pack, came from the DHL. Just got up with a pack. I got a pack, came from the DHL. Just got up with a pack. I got a pack, wore a pack. Yeah, just got up with a pack. I got a pack on the DHL. Just got up with a pill. Yeah, just got up with a pack. Got a pack. Came up with DHL, just came up with a pill. Got out a pack, came up with pack, chill. She just got up with a pill. I got a pack, came up with a pack, chill. She just got up with a pill. Independent jug selling records out the trunk. I'm already rich as fuck, so the product's in the front. Got my partner in the front. Been my BF for a month, but we've been fucking from the jump, jump, jump, jump, jump, jump. And tell they wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and AJ coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. No, we don't kiss and tell. No, we don't kiss and tell. They wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and SK coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. Thought that I missed the drop, you're unwell. Yeah. Big men, no, we don't kiss and tell. And the J's on my feet are from Astro World. Arm to the T like a vest, I suggest you relax or we'll lift this shell. The block that I'm from's on the corner of Bliss, but the man that was there ran the heat like hell. I bought a range of my mum's shorts, so I told them I gotta pay more for the step. Them man share the energy like a skit. If they want a war, tell them go on and let's get piss nang. I'm a murderer with the way I bang. Nowadays, bars is the thing I slang. Calling my gorillas when I gotta go ape, no chips in the click, man, I rang this tan. Had Pyrex, had pots, no pan. All she ever wanted was a man that's gang. The girl gave me top like a Virgil lookbook, and I got kicks like a Shaolin clan. So don't stop, don't stare. My little niggas that I give it more than a tear. That girl says she knows me, I don't care. Made a pum pum chip off the front room chair. Yeah. No, we don't kiss and tell. No, no, we don't kiss and tell. They wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and AJ coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. No, we don't kiss and tell. No, we don't kiss and tell. They wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and SK coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. Talk too much, then I air that. She bust up, so I'm tryna get near that. She got a back, everybody wanna stare at. In your tight dress, man, I love it when you wear that. She dressed to kill, she's a queen for real. She could do it on Bond Street, do it on Fairfax. She knows she could look good in them high heels, and she look good in some Air Max. She's sexy, red lipstick looking all Fenty. Already know the name, see the diamonds on my chain. And these girls are dying to get friendly. Top boy, never seen a swag like Skeppies. Run up the money, we ain't saving a penny. And we don't cuff no jezzies. Let the bros have a turn, man, I did that already. No chaser, I'll put the liquor on ice. Put it on the card, I ain't looking at the price. Now my accountant's on the phone and she trying to find out what I did last night. Back on tour, getting money with the guys. Sold out the show, so we did that twice. Straight from the after party to the next city like a rock star, man, I live that life. No, we don't kiss and tell. No, we don't kiss and tell. They wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and AJ coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. No, we don't kiss and tell. No, we don't kiss and tell. They wanna know if I link that girl. No, I don't, but her name rings a bell. Yeah, I brought sand to the beach and SK coming with things as well. She wanna live that rock star life, so I'ma take her to a different world. Et nous venons d'écouter AJ Tracy avec Skepta, donc les deux anglais, toujours. Moi, je suis toujours dans ma. Je suis pas sorti, hein, mais je suis toujours dans ma phase rap anglais. Moi, je suis sûr qu'un jour, tu vas retourner habiter en Angleterre pour manger du porridge. Juste pour ça. Non, franchement, non. Peut-être pour aller voir des concerts de rap anglais, ouais. mais pas pour manger du porridge ou de la marmite. Ça, je suis sûr que t'adores ça en vrai. Non, je déteste. moi, j'adore la France et la bonne cuisine française. Donc, on vient d'écouter A.G. Tracy, donc un newcomer, un peu, si on peut dire ça, avec Skepta, un peu un daron du rap anglais. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début de sa carrière, A.G. Tracy, en tant que fan de Skepta, à mon avis, comme beaucoup en fait, de jeunes rappeurs anglais aujourd'hui, avait fait un son qui s'appelait Skepta, je crois. Et donc là, aujourd'hui, il a un featuring avec Skepta, donc bel accomplissement, disons, pour lui. Ouais. Là, donc, il a sorti A.G. Tracy. Moi, j'ai beaucoup écouté cette année. Il a sorti un album éponyme qui s'appelle d'ailleurs A.G. Tracy. Et là, il a sorti une extension de son album qui est nul à chier. Disons-le, ouais, c'est clairement pour faire un peu plus de thunes. J'aime pas trop cette démarche, mais il y en a plein maintenant qui font ça, réédition de machin, voilà. Avec un track bonus. En fait, c'est une piste perdue qu'ils ont remis comme ça, et en fait, c'est une merde. À chaque fois, c'est une daube. Exactement. Non, mais là, Enfin, écoutez la version normale, disons, de l'album. Écoutez pas cette réédition un peu avec. Je crois qu'il a rajouté 5 titres avec du réchauffé de ouf. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, c'est un titre avec Skepta, qui est sur aucun album. En fait, les deux sont partis en tournée, tous les deux. Mmh. Et à mon avis, bon, bah... Il faisait quoi, la première partie de Skepta ? Exactement. Il faisait la première partie de la tournée européenne de Skepta. Donc, à mon avis, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, à parler musique. Et puis, bon, voilà, ils ont fait une petite collab. C'est cool pour lui, ça le lance bien, au final. Ouais, ça le lance. C'est clair qu'il avait jamais eu de featuring avec un aussi gros artiste. S'il avait eu Giggs, qui est un assez gros... C'est pas mal, quand même, ouais, Giggs. Non, mais il commence à se faire un nom. Cet été, il avait remis un peu la UK Garage sur le devant de la scène avec un son qui s'appelait Ladbroke Groove. Je sais qu'il a pas mal marché en Grande-Bretagne. Donc voilà, A.G. Tracy, moi j'attends la suite pour lui. Hein. N'écoutez pas cette réédition un peu moisie, mais je conseille fortement en tout cas l'artiste. À toi, Julien, tu peux enchaîner sur sélection. On va enchaîner par le ghetto riche Jean Pablo. Voilà, c'est la version française. Voilà, Woodrich Pablo Juan. Donc, du coup, Woodrich Pablo Juan, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans les émissions. C'est un mec, un rappeur qui a été lancé. C'est un petit Gucci, quoi, au final. Il a sorti plusieurs albums, pas tous bien. Mais là, il en a sorti un nouveau que j'ai trouvé vraiment, vraiment pertinent quand même. Alors, c'est que de la bagarre, uniquement. Et déjà, enfin, de toute façon, l'album s'appelle DMV, c'est Dope, Money and Violence. Donc, okay. Autant te dire que tu as tout de suite compris, voilà, ouais. Le truc. Après, il fait du Woodrich, ça veut dire qu'il a un seul flow et il utilise tout le temps le même. Tout le temps le même flow et tout le temps le même truc, mais je sais pas, je trouve ça coquin. Il le fait bien. Ah, il le fait fortement bien. C'est et puis entraînant. C'est un beau rappeur. Il est beau. Enfin, quand je dis il est beau, c'est qu'il est stylé, quoi. Tu vois, c'est un rappeur de maintenant, quoi. Et non, franchement, il a. Quand j'exagère, hein, quand il a qu'un seul flow, mais c'est vrai qu'il est souvent un peu. Il se pose un petit peu toujours de la même manière. Mais franchement, c'est efficace de ouf. Et je trouve que c'est un. Enfin, moi, quand la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit ah ouais, lui, il est trop chaud. Ça durera peut-être pas dans le temps, du coup, s'il change toujours pas son pas, flow. Franchement, mais... je sais pas. Ben, regarde, Gucci a quasiment toujours le même flow et puis il marche très bien. Mais pas tout le temps, mais voilà, souvent. Après, moi, il y a des artistes, je me faisais la réflexion l'autre jour. Il y a des artistes, j'aime tellement ce qu'ils font des fois. Je suis un peu égoïste et j'ai pas trop envie qu'ils changent, tu vois. J'ai envie qu'ils fassent un petit peu la même chose, genre. Je suis d'accord avec toi, absolument d'accord. Donc le titre qu'on va écouter, c'est I Said Up, donc extrait de DMV Dope, Money and Violence, qui est en featuring avec Gucci d'ailleurs. Allez. Sick as fuck. Sick as fuck. What the fuck? What the fuck? Top down. Yeah. Windows up. Yeah. Pistol tuck. Wow. What the fuck? What the fuck? Bentley truck. Lamb truck. Truck. Rose truck. Truck. What the fuck? What the fuck? Pulled up. Pulled up. Froze up. Froze up. Doze up. What the fuck? What the fuck? I made an effing science. I threw a brick in Onyx. I was born in 1980. First year of Reaganomics. Nobody gave me nothing. My family full of junkies, they call me Trap God. But I missed every Sunday. I'm not a literate, not even a little bit. I'm not no role model. I sold so many bricks. I make my city lit. That's what I really did. My ego really big. You niggas really kids. I bought a Moussain, right for my boo thing. Back coop got two Wayne's. Gucci, I'm Bruce Wayne. If I'm lying, man, then I'm flying, man. You niggas lying, man. Go get the frying pan. Skrrt. Iced up. Bezzled up. Wrist sick as fuck. What the fuck? Top down. Windows up. Pistol talk. What the fuck? Bentley truck. Lamb truck. Rose truck. What the fuck? Pulled up. Froze up. Doze up. What the fuck? What the fuck? Chains up. Charms up. I never tough. Ain't letting up. Boss up. What the fuck? Baby, I'm a baller. Don't get crossed up. That's hard. Pulling up in that what the fuck. Ooh. Number one ain't no runner up. Your baby mama wanting some. Yep. I fuck her, then I'm done with her. Damn. My cars come from everywhere. Yep. I throw it out, don't never care. Nope. That weed smoke in the air. My moms know that I'm a player. Yep. Look at my chain. Ooh. Now she wanna call me by my name. Ooh. Ooh. Living life gang. Ooh. Impressed cause I got my own strain. Left my main. Now I wanna get a new thing. Ooh. Ain't shit changed. Still spend a hundred on the chain. Iced up. Bezzled up. Wrist sick as fuck. What the fuck? Top down. Windows up. Pistol talk. What the fuck? Bentley truck. Lamb truck. Rose truck. What the fuck? Pulled up. Froze up. Doze up. What the fuck? What the fuck? Follow one, sub zero, I finish him. All of my bitches, they geeking on Timberland. Ooh, take me a trip out to Switzerland. Water on me, no cap like a fisherman. Zone City, nigga, we getting it. I like them euros and Benjamins. Yeah, my bitch, you get wet, I be swimming it. I stack them pesos and euros, ain't switching it. I pull up in the what the fuck. Pistol in the club, I got it tucked. Skating on ice with the stick, no puck. Shout it, ride a dick, just like a truck. I drink that lean till I'm stuck. Fall by my hand, I need a grub. Diamond all white, just like a dub. Got married to the money, I fell in love. Young nigga clean out some suds. Ooh, pinky ring call me a dub. Stacking that money, but these nigga was. Fur on my Gucci, but these ain't no ugg. Diamonds in my chain, big as a lug. 25,000 in set, just because. When I walk out the house, I at least got a dub. She wanna lick me, I'm dripping like fudge. I need your bowl, my pocket too bust. Iced up, bezzled up. Wrist sick as fuck. What the fuck? Top down. Windows up. Pistol talk. What the fuck? Bentley truck, Lamb truck, Rose truck, what the fuck? Pulled up, froze up, doze up, what the fuck? What the fuck? Drip like that. Drip like that. Gotta have bag at a drip like that. Gotta have cash at a drip like this. Gotta have sack at a drip like this. Yeah. Call a little money, get the drip like this. Icebox drip my wrist. Walk up in the club and I drip on a beat. You know I'm a P, I might pimp on a beat. Call a little money, get the drip like this. Drip like drip, drip like drip. Call a little money, get the drip like this. Drip like drip, drip like drip. Walk up in the club and I drip on a bitch. Bae don't slip on the shit. All the damn sauce you can lick on the beat. Louis V sneak, make the tip on the beat. Ice on my neck, it's a brick on my wrist. Yeah, I spent 30 on this. Hope a nigga don't try to run a real quick. Yeah, Steph Curry in the clip. Cancel out the Gucci, had to go and get Chanel. Bet your mark jail like a motherfucking player. Don't you ink and bone, stand out from the square. I'm really in the game, baby, I'm a star player. The jean that I got on cost a cool rack. Like a mirror jean with stripes on the side. Finish shirt on, get to make my fly. Hold a little bitch, don't kill my vibe. Woo, woo. Drip like this. Never seen a bitch so dick like this. Double hand action, and she spit when she twist. Damn. Never ever seen a freak beat like this. Big bang roll, baby, jet call me Freddy. Never seen a young nigga so, so heavy. Fresh and all white like I'm on the way to heavy. $30,000 in my old school Chevy. Call a little money, get the drip like this. Icebox drip my wrist. Walk up in the club and I drip on a beat. You know I'm a P, I might pimp on a beat. Call a little money, get the drip like this. Call them money, get the drip like this. I spent $2 million on watches. My walk-in closet look like Neiman Marcus. Damn. I missed the Dolce & Gabbana with Prada. Damn. I came from selling Kush out the apartments. Damn. I made my mama a promise. I was a trap nigga when I came out of her stomach. Balenciaga, my jacket, my jeans, and my runners in my neighborhood. I run it. Gotta have a check just to drip like this. Yeah. A quarter milli killed my wrist. Dope boy shit, you ain't built like this. Fear God on me cause I don't fear shit. Whoa, ay, whoa, ay, whoa, ay, whoa. Ay. I wear the Richard Mille when I'm rocking Tone 4. I wear the AP when I'm dripping in Dior. This a double R, don't slam my door. Left the strip club, a lot of money on the floor. Hey. Bought my bitch a rollie and put ice around her throat. Drop top Benz parked at the corner store. You gotta have a badge just to look like this. Yeah. Shit look like glass on my wrist. Water. We was moving bags of the gas in the trenches. And all of the Glocks come with an extension. Call a little money, get the drip like this. Icebox drip my wrist. Walk up in the club and I drip on a beat. You know I'm a P, I might pimp on a beat. Call a little money, get the drip like this. Call a little money, get the drip like this. Cost a little money, just to drip like this. You know I had to pop my shit. Louis don't trip and I just spent my 60. You know I had to drip my bitch. Cartier glass and Cartier wrist. I know I got Cartier piss. We keep busting all that shit down. I be putting it on get style. Woo, woo. Closet bigger than a penthouse. I show other niggas how to drip now. Sold a lot of pounds and bust my wrist down. I walk in, I feel like on the shit. Took a lot of trips just to get like this. Had to buy a bag cause the rest don't fit. Fit so fly, my Mac on the bitch. Pat came in, got the stash on field. Dropped a hit on the road, truck came through, killed me. 4x4, can't talk, not a lift kit. Track hop fast on some young nigga rich shit. Lamb truck look like a shark, I'm a big fish. Running as they mad, cause I'm lit on my bitch wrist. Or they mad on the man, I kick shit. Cause I spent 10 bands on the outfit. Or I'm still getting cash on the bad tip. Call a little money, get the drip like this. Icebox drip my wrist. Walk up in the club and I drip on a beat. You know I'm a P, I might pimp on a beat. Call a little money, get the drip like this. Drip like this. Call a little money, get the drip like this. On est toujours dans les bons crus pour la dernière ligne droite avant la fin de l'émission qui s'est passée plutôt bah bien. On était avec Simon, on était très bien. Du coup, on a écouté donc Outreach Pablo Juan et après on a écouté Bankroll Freddy avec Lil Baby et Young Dolph. Donc bon, bah, Lil Baby, tout le monde connaît, c'est un petit de Young Thug et puis Young Dolph, c'est un petit de Gucci. Enfin, c'est tous ces gens qui gravitent, si tu veux, autour. Voilà. Bonne transition. Ils viennent tous d'Atlanta, du coup ou Pas tous. Du coup, Young Dolph, non. Ah, okay. Et je crois que Lil Baby, oui. Donc, voilà. Okay. Mais donc, le morceau s'appelle Drip Like This et c'est le single de Bankroll Freddy. Okay. Voilà. Ça vient d'un projet ou c'est juste... Non, c'est juste un single. Okay. C'est juste un single, ouais. Ok. Donc, je vais finir, moi, par le dernier son que j'avais sélectionné pour ce soir. Et donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, à mon avis, non. Guapdad 4000. Donc, en fait, c'est un mec... La première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur l'album de Buddy, donc le rappeur-chanteur de Los Angeles. Il avait fait un couplet sur son album que j'avais adoré. Et donc, c'était sur le titre Shameless. Et là, ce bon vieux Guapdad 4000, il était sur la compilation de Dreamville, en fait. Il était sur 3-4 sons. Donc j'ai été regarder ce qu'il faisait, c'était plutôt pas mal. Et là, il se trouve qu'il vient de sortir un album avec un casting assez costaud. Pareil, j'ai écouté et en fait, il a dit qu'il avait eu tous ses feats gratuits. Donc je sais pas trop comment il s'est démerdé. Bon, à mon avis, il est sympa, hein, ce garçon. Mais ça doit être un bon copain. Ouais, ça doit être un bon copain. Il a dû rencontrer pas mal de monde pendant cette compile Dreamville. Et donc là, le morceau que j'ai choisi, c'est en fait avec donc son pote, hein, Buddy, que j'adore. Et donc Buddy aussi, il a une actu qui se réveille tout doucement en fait, parce que c'est vrai qu'il avait rien fait depuis son album. Et là, il vient de sortir un son sur le fameux maintenant Colors Show. Et il devrait sortir un album bientôt, soit pour la fin d'année, soit début d'année prochaine. Donc pareil, Buddy, j'attends beaucoup. Parce que bon, là, je parle de Guapdad 4000, hein, mais j'adore aussi ce son, car il y a Buddy dessus. Donc on va écouter ça tout de suite. To a house from a room, I high like the moon. I got some my dog, these bitches be fleas. Niggas be weak, these haters be sneak. Don't like me, it's like you just fell asleep. Took out the hood and cut off the sleeves. No jacket, I'm whipping nails in the Jeep. Big flex, no creatine. Seeing things, vivid dreams, red beams in the sea. Jealousy and envy be behind what these fake niggas be telling me. Yeah, they can smell a pee. You ain't fucking with no average nigga, I got hella cheeks. This ain't no fettuccine, I'm a John Avini's. You a normal noodle nigga. Niggas got hella feelings, I got no time for a hormonal nigga. I just been running with wig splitters, camera swipers, intelligent lick hitters. I need that wrist glitter like Mariah Carey. Wanna sing when the light hit. I put on chinchilla, I'ma roll in the front like a big willa. I'm the bust down rubber band filler, bitch, stealing big for now. These yeah. Niggas don't want me to be great. It's okay. It's okay. These bitches don't want me to be great. On vient d'écouter donc Guabdad 4000 pour le prononcer quand même en anglais avec Buddy. Donc voilà, allez écouter cet album qui s'appelle Dior Deposit, il me semble. Yeah. Donc, on va finir maintenant avec toi, Julien. Ouais, dernier on va finir son. Dernier morceau que j'avais choisi. Il y a une rappeuse que j'aime bien, elle s'appelle Light Skin Kesha. C'est une rappeuse d'Atlanta, une jeune, elle a 24 ans. Et du coup, dans son fil, je suis abonné à sa musique sur, Instagram sur Spotify. Ah. Ah non, Non, sur Spotify. Non, je l'ai pas sur Instagram. Okay. Sur Spotify. Et en parcourant un peu les nouveautés, j'ai vu qu'elle avait sorti un morceau avec Stevie B. Donc, pas le Stevie B qui était dans les des années 90, mais un nouveau mec qui s'appelle Stevie B, apparemment, okay. Qui est d'Atlanta aussi. Et du coup, c'est un morceau sur les strip clubs d'Atlanta. Donc, La culture du strip. Ouais, Atlanta, Magic City, tout. Voilà. Donc, yes. Je voulais finir sur ce petit morceau. C'est un peu un morceau à strip club, quoi. Ok. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Yeah. She gon' bust it down like she from Atlanta. Bad bitch got her popping like a fan. I know that pussy clean, Danny Tanner. That money coming in like a scammer. She just want designer bags, fucking up all kind of cats. I ain't tryna be rude, but baby, you got hella ass. I'ma have to call a flag. Money counter, money bags. Yeah, pop out in a Birkin bag. Trap niggas serving fast. New Bentley paper tags. Boss bitch got plenty racks. Bad bitches in the kitchen. Money counters, I got two. Back in shows from back to back. I bought some Jimmy Choo's. 7 plugs at Lennox. I got 7 plugs at Neiman's too. Keep a check, plus my pussy wet. That make them eat it too. Ride a nigga face. dance and turn this bed into a swimming pool. Bisha in the building, I walk through, they make them bitches move. She gon' bust it down like she from Atlanta. Bad bitch got her poppin' like a Fanta. I know that pussy clean, Danny Tanner. That money coming in like a scammer. She just want designer bags, fucking up all kind of cats. I ain't tryna be rude, but baby, you got hella ass. I'ma have to call a flag. Money count of money bags. I got big blues on me, baby, yeah. Come sit in my section for free, lady, yeah. All these diamonds dancing on me, baby, yeah. Pop the pussy on me, baby, yeah. Ain't no half-stepping with us. Ain't no clout chasing with us. You the baddest bitch in this club. You don't be showing niggas no love. Talking about all drinks on her. Popping these bottles all on her. I'm taking these drugs all on her, baby, yeah. Down like she from Atlanta. Bad bitch got her popping like a Fanta. I know that pussy clean, Danny Tanner. That money coming in like a scammer. She just want designer bags, fucking up all kind of cats. I ain't tryna be rude, but baby, you got hella ass. I'ma have to call a flag. Money count of money bags. Hoppin' out the Bentley with the Birkin, bitch, period. I can't fuck no nigga if he broke, be serious. If he ain't talking to me about no money, I ain't hearing it. Boss, bitch, I can never be a worker, I ain't hearing it. You say you wanna fuck, I need my hair done, tryna touch my ass, get my nails done, say you want your dick sucked, well, I need a lamb truck. Say you wanna fuck with Bisha, better run them bands. She gon' bust it down like she from Atlanta. Bad bitch got her popping like a